club fantomatique traverse les volets. Un gecko mélancolique s'en mêle dans tes cheveux. Sous les draps des chorales disco susurre des slows dépressifs, des effluves de vodka sont tatoués sur tes joues, des lèvres rêveuses bavent des chartreuses dénudées. Sous les draps, mes doigts comme des chevaux galopent sur ta peau. Il n'y a plus ces soupirs de la nuit qui te caressent, qui te percent, que tu bois puis te laisses. J'étais sans doute un peu drôle d'être le bout de la farandole avec des lunes dans les yeux qui n'ose plus être pleine. Sous les draps, l'amour s'excuse de s'être trompé de lit. Des odeurs de croissance zigzag comme dans des cases de BD te réveillent là, c'est fou. De tous ces hommes venus. Sous les draps, rien donne ses tirs que de vieux souvenirs. Il n'y a plus ces soupirs de la nuit qui te caressent, qui te percent, que tu bois.